Genève, tes rêves ne se souviennent plus des vallées d'Ala Arka, ni de son fleuve, ni du lac qui s'y coule ou s'entrelace. Dragons tatars, leur antique vigueur. Là-bas nous traversâmes des plans incendiaires. Ma princesse aux abîmes à conquérir. Et au milieu des agendas bolcheviques, nous fondâmes des révolutions à naître. J'étais l'ambassadeur de l'aube en royaume froid, que le communisme croyait sa prison. Nous nous dressâmes contre cartes et détours. Mon corps est ta forteresse, notre union. Ensemble nous scellâmes les tombes de géants, de gorgones, d'horreurs sans pardon. Et à Auge rurale nous levâmes le front face à la clameur d'un cœur juvénile. On nous acclama pour avoir semé l'essence d'une vérité fuyant la terreur. Le stalinisme échoua dans son urgence à nous voir à ses pieds sans plus de valeur. Nous dégainâmes des âmes en silence sur des juments furieuses de frayeur. Et dans l'opéra où le feu le plus intense, mon ombre fut ton ombre sans peur. Et si nous tournons seuls dans la glace, dans la cabine muette de l'adieu, l'éclat brille encore dans ton regard quand nous traversions la neige à Ovide. Des années plus tard, à Mahabalipura, j'appris à fendre la pierre avec des pieux. Si notre union ointe par les dieux, sous les arches de Cordoue Furoque, éclatée par des intrigues de bois qui, avec le temps, nous ont séparés.